c'est sexy. Viens voir Ghost City, original Wakaman dans la ville de Paris. Y'a le chez Jolie, dans ton beurre s'affiche. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est Wine Moja, carré sur le gros bas. J'aime les gars, surtout quand les gars m'ouvrent. Veille à mouvant, mouvant, blanc comme une loupe. Bouche au bord de la tête aux pieds. Et là j'la posais, mouvant, mouvant. Girl, wine ton body, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Ouais comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère de vie.